Merci. Bon, Landry, si tu veux faire les salutations, il y a un ordre de faire les salutations. Ça va comme si... Monsieur le pasteur, distingués invités, mesdames et messieurs, Landry, bonjour. C'est dans l'ordre. C'est toujours par le Seigneur en descendant. D'accord? Bon, ayant dit cela, ce matin, on est dans Exode au chapitre 34. Puis, je le dis souvent, on devrait enregistrer le vendredi matin. Parce qu'il y en a du stock le vendredi matin. Mais c'est impossible de tout ramener ce qui a été dit vendredi. Donc, on doit se concentrer sur quelque chose en particulier qui nous frappe dans le texte. Puis, il y a plusieurs choses qui brillent, mais il y en a une que moi, je retiens plus que les autres. Alors, dans Exode 34, mon titre, c'est « Que votre lumière brille ». OK? Et l'exhortation ici, c'est que si vous êtes en Christ, ben sachez qu'autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si vous êtes en Christ, marchez comme des enfants de lumière. Si tu n'es pas en Christ, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'élèvera, t'éclairera. D'accord? C'est vraiment de voir la lumière de Christ dans nos vies. Ça va être ça le sujet ce matin. Alors, je vais lire Exode 34. Il y a 35 versets. Je vais le lire une fois. Après, je vais le relire en le coupant en petits morceaux. Puis après, je vais adresser quelques points. Je vais vous expliquer ça après, là, mais lisons-le ensemble. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 34, « Taille deux tables de pierre comme les premières. » Rappelez-vous que les premières ont été détruites à cause de ce qu'ils ont fait. Et j'y écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. Les premières tables, c'est Dieu qui les avait taillées et Dieu a écrit dessus. Là, il dit à Moïse, là, c'est toi qui tailles les pierres, moi je vais les écrire dessus. Sois prêt de bonne heure et tu monteras dès le matin sur la montagne de Sinaï. Tu te tiendras là devant moi sur le sommet de la montagne. Que personne ne monte avec toi et que personne ne paraisse sur toute la montagne. Et même... que ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. Moïse tailla deux tables de pierre comme les premières. Il se leva de bon matin et monta sur la montagne de Sinaï, selon l'ordre que l'Éternel lui avait donné. Et il prit dans sa main les deux tables de pierre. L'Éternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui et proclama le nom de l'Éternel. Et l'Éternel passa devant lui et s'écria, « L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité, qui conserve son amour jusqu'à mille générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à la troisième et à la quatrième génération. » Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide, pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » L'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. Je ferai en présence de tout ton peuple des prodiges qui n'ont eu lieu dans aucun pays et chez aucune nation. » Tout le peuple qui t'environne verra l'œuvre de l'Éternel, et c'est par toi que j'accomplirai des choses terribles. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Éthiens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. Tous les habitants du pays de Canaan que vous allez prendre. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux,

la veille, il se prépare. Le matin, il se lève tôt, il part avec les tables. En fait, dans Deutéronome, je pense qu'il dit, quand il relate la même histoire, non seulement il a taillé les deux tables, mais il a aussi fait le coffret de bois d'acacia dans lequel on va mettre les tables. Puis ce coffret-là, plus tard, il va être recouvert d'or, OK, puis il va devenir l'Arche de l'Alliance. OK, donc, se préparer. Ensuite, verset 2, « Sois prêt tôt le matin. » Hein? Tu te prépares, puis tôt le matin, tu peux te lever, puis au lever du soleil, tu t'assois, puis tu es prêt à prendre du temps avec le Seigneur. Ensuite, « Que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne. Hein? » Viens seul me rencontrer. C'est bien qu'on soit ensemble puis qu'on étudie la parole de Dieu, tout ça, puis on apprend. Mais Dieu veut parler à chacun individuellement. Est-ce que je suis disponible? Est-ce que je me laisse distraire? Assure-toi de ne pas être dérangé. Que personne ne monte avec toi, que personne ne paraisse sur toute la montagne. Assure-toi que tu ne seras pas dérangé. Même ni brebis ni bœuf ne pèsent près de cette montagne. C'est des bergers, eux autres, hein? Fait que laisse ton travail de côté, là, hein? Viens voir. Sois prêt à m'écouter. Et qu'est-ce qu'il va faire l'Éternel? Moïse va monter sur la montagne, mais au verset 5. L'Éternel descendit dans une nuée, s'éteint là auprès de lui. Et là, qu'est-ce qu'il va faire? Il se fait connaître à lui. Proclame le nom de l'Éternel. Et là, on pourrait parler juste de ça. L'Éternel passe devant lui et s'écria, l'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant. Lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Tout ce qui est dit par rapport à Dieu, ça va être démontré quand Jésus vient. C'est vrai, là. Mais Dieu se dévoile, dit qui il est, il le dit à Moïse. Mais le peuple d'Israël, lorsqu'il saisit ça, quand même Moïse va l'écrire, hein, parce que il va l'écrire, il va le leur lire, mais ça ne va pas nécessairement changer quelque chose pour eux. Mais Moïse, lui, il est devant le Seigneur. Et après que Dieu va s'être présenté, comme Moïse sait qu'il est dans la présence de Dieu, Dieu s'est présenté, au verset 8, « Aussitôt Moïse s'inclina à terre et se prosterna. » Et qu'est-ce qu'il fait? Il dit, « Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, que le Seigneur marche au milieu de nous. » Parce que Dieu venait juste de dire, à cause du veau d'or, qu'il ne marcherait pas avec eux. Il va envoyer son ange, mais lui, il ne sera pas. Non, Moïse, ça ne passe pas, là. On a vu ça la semaine passée avec Exode 33. Mais là, Moïse revient à la charge. « Marche au milieu de nous, car c'est un peuple au cou raide. Pardonne nos iniquités et nos péchés, et prends-nous pour ta possession. » Qu'est-ce qu'il a fait de Jésus? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est exactement ce qu'il a fait. « Fais part de tes besoins. » Et là, Dieu va répondre, là, je ne vais pas tout le lire, mais l'Éternel répondit, « Voici, je traite une alliance. » Et là, il y a plein de promesses, des choses qu'il va faire avec eux autres. Et là, ils vont passer 38 ans, suite à ça, ils vont passer 38 ans dans le désert, là, ou un peu plus, ils vont passer du temps dans le désert. Même dans le désert, là, ils vont avoir des guerres, là, il va se passer des choses, mais Dieu est avec eux. Quand ils vont rentrer dans la terre promise, là, tant qu'ils obéissent à Dieu, il fait des prodiges, là. Il a dit qu'il le ferait, et il le fait. OK? Il a dit qu'il le ferait, et il le fait. Maintenant, est-ce que je le crois, moi? On a plein de promesses. C'est quoi la plus grande promesse qu'on a, qui est le plus de valeur à vos yeux? La vie éternelle. Si tu crois au nom du Fils Jésus, si tu confesses de ton nom, si tu confesses son nom publiquement, tu as la vie éternelle. Hein? Tu as la vie éternelle. Si tu l'as, est-ce que tu l'oublies? Si tu as la vie éternelle, pourquoi tu t'attaches aux affaires de ce monde-ci? Alors qu'on est exhorté à ne pas s'attacher à ce monde-ci. C'est corrompu. Dieu veut qu'on marche comme lui, avec lui, en suivant ce qu'il nous demande. Mais ce qui nous permet d'avancer, c'est les promesses qu'il nous a faites. Paul, il dit, si Si Christ n'est pas ressuscité des morts, on est les plus malheureux des hommes. Pourquoi? Parce qu'on a zéro espérance. Je change quoi? Je change quoi ce que je vais faire sur la terre? Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Après, il n'y a plus rien. Mais on a une espérance. Une pleine espérance. Que vous avez l'assurance de ces promesses-là. En même temps, là, il y a des avertissements. Prends garde, verset 11, à ce que je te redonne aujourd'hui. Voici ce que je vais faire. OK? Mais toi, là, verset 14, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays. Nous, là, garde-toi de faire alliance avec des gens qui rejettent Christ. Parce que si tu rejettes l'Évangile, si tu rejettes Christ, bien, tu marches avec les voies du monde. Garde-toi de faire alliance. Ça ne dit pas de ne pas leur parler, ça ne dit pas de pas vivre sur la terre. On vit sur la terre. Mais fais attention avec qui tu fais alliance, avec qui tu t'attaches. De peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes. De peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles se prostituant à leur Dieu n'entraîne tes fils à se prostituer à leur Dieu. Tu ne feras point de Dieu en fonte. Et là, tu vas faire les autres choses. Mais il y a une mise en garde. Restons attachés aux promesses de Dieu. Restons attachés à Christ. Et pas de compromis avec le monde. Je ne veux pas avec le feu. On n'est pas. Ben c'est ce qu'on voyait ce matin de l'autre côté, là. C'est qu'on doit s'avertir les uns les autres. Puis nous, on doit faire attention avec qui on se tient, dans quoi on embarque. Puis on sait qu'on est fragile, là. Donnez l'exemple de la boisson. Si la boisson, pour toi, c'est un piège, prends-en pas. Ne va pas t'asseoir avec du monde qui prend de la boisson. Tu vas finir par prendre un verre. Mais. Puis quand on se pense fort, c'est dangereux, hein. Ah, ça fait longtemps que j'en ai pas pris, je suis correct. Là, je vais m'asseoir avec les gens qui c'est pas que prendre un verre, c'est pas un problème. C'est un problème. Mais prendre beaucoup de boissons, c'est un problème. OK? Fait que si moi j'ai un problème avec la boisson, ben je vais pas aller m'asseoir avec les gens qui prennent la boisson. Si j'ai un problème avec la cigarette, je vais essayer de me tenir avec du monde qui ne fume pas. Si peu importe le sujet que vous voulez avoir, là, on prend en nommer bien des choses dans lesquelles la vie, on a de la difficulté, là. Ben, choisis tes amis. Dans le fond, c'est ça. Quand il dit prends garde à ça, là, choisis tes amis. Sois obéissant à la parole de Dieu. À partir du verset 18, voici ce que Dieu demande. Toc, toc, toc. Mais l'Ancien Testament, il est fini, là. Dans le sens que toutes ces choses-là, le rituel, il n'est plus là. Mais dans le Nouveau Testament, on vient de lire ce matin, là, on est. Exhorter là, à se tenir ensemble, à prendre soin les uns des autres, à dire les bonnes choses, ne pas dire les mauvaises choses, s'encourager mutuellement, se reprendre mutuellement, prier les uns pour les autres, se supporter. Tout ça, là, c'est ce que le Seigneur nous demande. Ne pas juger, hein, accompagner, etc., etc. C'est à ça que le Seigneur nous demande, d'être obéissant à sa parole. Et j'ai oublié le verset, là. Il dit, écris. Merci, Gilles. 27. Ouais. L'Éternel dit à Moïse, écris ces paroles, car c'est conformément à ces paroles que je traite alliance avec toi et avec Israël. Écris-les. Pourquoi les écrire? Pour m'en rappeler, les relire. Mais quand la chose va s'accomplir, dis pas « Ah, c'est impressionnant, je ne m'attendais pas à ça. » Ben non, il l'avait dit, puis là, ça arrive. OK? Fait que, des fois, on a des réflexions, mais ça vaut la peine de les écrire. Ça vaut la peine de relire de temps en temps. Surtout quand tu as une pensée claire sur quelque chose qui s'en vient dans ta vie, là, pas nécessairement qu'à telle date telle affaire va arriver exactement, mais tu sais, là, parce que Dieu te l'a montré, que regarde, si tu prends cette direction-là, ces choses-là vont se placer devant toi. Ben, quand tu les vois arriver, rappelle-toi qu'il te l'avait dit. Alors, une bonne façon, c'est que quand on prie, là, écrivez donc vos prières. Tu sais, c'est quoi le sujet de la prière? Quelle date tu as prié pour telle affaire? Puis quand la chose arrive, tu regardes ton petit livre, puis tu dis, « Ah, hey! » On avait prié là-dessus telle date, puis Dieu a répondu. Tu vois? C'est ça que Moïse va faire. Et Moïse va écrire tout ce que Dieu dit, avec toutes les promesses, puis quand il va descendre. Qu'est-ce qu'ont fait les disciples du Nouveau Testament? Ils ont écrit tout ce que Jésus avait dit, puis pour qu'on sache, puis qu'on s'en rappelle. Apocalypse, Jean a une vision, écrit la vision pour qu'on sache, qu'on s'en rappelle. Pourquoi? Parce que c'est ça notre espérance. Moïse, donc ça, excusez-moi, ça c'est mon checklist. Moi, j'ai les enfants à la maison, je leur ai donné un checklist quand ils vont à l'école, là, n'importe quel sujet. Tu commences toujours par 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si tu fais ces choses-là, ça va toujours bien aller. Puis c'est vrai, puis ça marche. Est-ce que ça va toujours bien? Mais c'est parce qu'ils ne suivent pas le checklist. C'est ça le problème. OK, mais s'ils suivent le checklist, ça va toujours bien. OK, donc ça, c'est un checklist. Maintenant, autre chose qu'il y avait dans le texte, c'est que Moïse, là, c'est un intercesseur pour le peuple. Et ce qu'il fait, c'est le modèle, c'est à l'image de ce que Christ va faire. Mais c'est aussi notre rôle d'intercéder dans ce monde. Ézéchiel, Dieu dit, Ézéchiel chapitre 22, verset 30, « Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais j'en trouve pas. » On a un rôle à jouer, là, en tant qu'enfant de Dieu. Dieu veut bénir, mais il ne fait rien contre notre volonté. Il fait ce qu'il a à faire, lui, là. Mais si nous, on veut être désobéissants, on reste désobéissants. Il nous interpelle pour qu'on devienne obéissant. Mais si on reste désobéissant, on reste désobéissant. Il cherche quelqu'un, il n'en demande pas beaucoup, il cherche parmi eux un homme. Je ne demande pas que tout le peuple change, je demande un homme qui va faire ce que je dis. Mais non, il n'y en a pas. 2 Chroniques 7. « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face, s'il se détourne de ses mauvaises voies. » Fait que prier, c'est une affaire. Mais rester dans mes mauvaises voies, là, ça ne marche pas. Si vraiment on est sincère, « Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, cherche ma face. » Ça veut dire « cherche à comprendre ce que Dieu veut, c'est quoi la volonté de Dieu. » S'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pensez à Moïse, là, qui est sur la montagne. Hey, le peuple vient de faire quoi, là? Un veau d'or. Un veau d'or, là, c'est le dieu de la prospérité. Moi, c'est ça le mot. Prospérité en Égypte, là. Puis Dieu l'a détruit, ce veau d'or-là. Ben, ils en font un dans le désert. Après qu'ils ont juré d'obéir à Dieu puis de ne plus faire d'image de choses dans le ciel et sur la terre ou sous les eaux, bien, ils le font. Fait qu'ils viennent de le faire. Mais Dieu dit, s'il y a quelqu'un, là, je vais le faire. Psaume 106, qui fait allusion à notre texte. Dieu parla d'exterminer. Dans le psaume 106, le psalmiste raconte toute l'histoire d'Israël, hein, pour arriver à un point culminant. Mais au verset 23, il dit, « Et Dieu il parla de les exterminer. Mais Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui. » Un seul homme. Il y en a un, là. Il y en a un dans le peuple. Moïse, son élu, se tint à la brèche devant lui pour détourner sa fureur et l'empêcher de les détruire. Ça prend une personne qui intercède. Mais une personne qui est vraiment humble devant Dieu, qui ne marche pas dans les voies de... Moïse n'était pas avec eux quand ils ont fait le veau d'or. Il était avec Dieu. Fait que Moïse était aussi fâché que Dieu. Moïse revient, il est fâché. Mais en même temps, pourquoi il intercède? Il intercède pour la gloire de Dieu, pas juste pour sauver le peuple. C'est ton peuple. Si tu le détruis, qu'est-ce qu'ils vont dire les nations autour, là, que tu n'es pas capable de prendre soin de ton peuple? Là, tu les emmènes dans le désert, là, puis là, tu les détruis. Ça ne marche pas. Fait que c'est pour la gloire de Dieu. Okay? L'intercession ici est pour la gloire de Dieu. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, si on dit qu'on est des enfants de Dieu, qu'est-ce qu'on fait dans le monde dans lequel on vit? Et Jésus, Jean chapitre 3, tout le monde connaît Jean 3, 16, mais quand même, Jean chapitre 3, on part avec Moïse, verset 14. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tout le sacerdoce qu'il va y avoir dans le désert avec Moïse, avec Aaron, tout ce qu'ils vont faire, c'est pour pardonner les fautes au jour le jour des Israélites. mais ça n'enlève pas le fait qu'ils sont pécheurs. Jésus, lui, vient enlever le péché du monde. Tout ce que Dieu demande, c'est qu'on croit Dieu, qu'on croit celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ, puis qu'on marche avec lui humblement. C'est ça qu'il demande. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé, mais celui qui ne croit pas est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et ce jugement, c'est que la lumière, Jésus, étant venu dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Rappelez-vous, Moïse descend de la montagne. La gloire de Dieu brille sur sa face. Ils peuvent tous la voir, puis ils en ont peur. Mais Moïse, il va se mettre un voile après qu'il leur dit les choses. Pourquoi? Parce qu'il ne veut pas que les autres restent attachés à cette vaine gloire-là. C'est la gloire de Dieu qui brille sur le visage de Moïse, mais il est devant un peuple qui a le cou raide, hein, puis qui a de la misère à comprendre. Fait que, après qu'il leur dit les choses qui viennent de Dieu, il se cache le visage. Car quiconque fait le mal est la lumière. Il ne vient point à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dévoilées. Mais celui qui agit selon la vérité vient à la lumière, afin que ses œuvres soient manifestées parce qu'elles sont faites en Dieu. Je vais faire un pont ici avec la lumière. Jésus est la lumière du monde. Puis Moïse, son visage brillait. Vous vous rappelez? OK. La lumière qui brille dans le monde. Nombre 6. Je vais juste aller le trouver. Quand Moïse va donner les instructions au sacrificateur, il va leur donner une instruction qui concerne une formule de bénédiction. OK? Et il dit, l'Éternel parla à Moïse. Ça, c'est Nombre 6, versets 22 à 27. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle à Aaron et à ses fils et dit, vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz. Fait que là, c'est les sacrificateurs qui doivent faire ça à tout le peuple. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël et je les bénirai. OK? Je reviens sur deux versets. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. D'après vous, quand Moïse dit ça, au sacrificateur et à Aaron et à tous ses fils. Comment ils prennent ça, eux autres? Regardez Moïse. Qu'est-ce qui arrive à Moïse? Sa face brille. Pourquoi que sa face brille? Il vient de passer 40 jours avec Dieu, face à face. C'est pas sans effet. « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Il y a un lien entre la paix et la lumière. Okay? Que sa lumière brille sur ta face, qu'il te donne la paix. La paix de Christ dans le cœur de quelqu'un, là, ça devrait paraître dans sa face. Oh, ça ne brille pas comme on voit dans les films, là. Mais tu dégages quelque chose que les autres n'ont pas. Ça, c'est la lumière qui vient de Christ. Je vois des visages qui me regardent avec un petit point d'interrogation. Non? Vous n'avez jamais rencontré des gens là, que, peu importe ce que tu vis, quand tu leur parles, on dirait que tout est différent. On dirait que pour eux autres, c'est pas pareil. Ils sont paisibles, il n'y a rien qui les stresse, ils ont des paroles de douceur. C'est pas pareil. Il y a quelque chose que ces personnes-là dégagent. Vous avez jamais vu ça? Ça vous est jamais arrivé? Ouais. Qu'est-ce qu'ils dégagent? Bien, j'espère que ça vient du Seigneur. Moïse descendit de la montagne, au verset 29, ayant les deux tables du témoignage dans sa main. Elles sont écrites, là, de la main de Dieu. Et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait. Il descend pas en se pétant les bretelles. « Hey! Regardez-moi! » Il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Faites le pont avec qu'il te donne sa paix. Moïse, il monte, là, puis il est inquiet par rapport à tout le peuple. Il ne veut pas, lui, partir, là, aller marcher dans le désert, là, sans que Dieu les accompagne. Il veut que Dieu les accompagne. Il monte, il est troublé. Il y a un 29 verset, je ne me souviens pas c'est où, il dit qu'il était troublé. Okay? Mais quand il redescend, il n'est pas troublé. Il est paisible. Il a l'assurance que Dieu va l'accompagner. Et en plus, il y a les promesses que Dieu a faites sur qu'est-ce qui va se passer. Comment ça va se passer, il ne sait pas. Mais il y a les promesses que ça va se passer. La transfiguration, c'est intéressant. Parce que quand on parle de la lumière, là, Moïse, la lumière brille sur son visage. Quand il est en présence de Dieu, on dit que c'est un feu éclatant qui est sur la montagne. Fait que Matthieu 7 nous dit, 6 jours après, quelque chose s'est passé, Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux. Regardez ça. Son visage resplendit comme le soleil, ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Bon, peut-être que vous avez la misère avec ça. Fait que Marc 9 dit, ses vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur qu'il n'est pas de foulon sur la terre qui puisse blanchir ainsi. Un foulon, là, c'est une machine à laver les grands tissus dans lequel si tu veux teindre ton tissu, tu vas le teindre, puis après ça, tu le mets dans le foulon, puis tu vas le rendre éclatant tes couleurs. Puis en même temps, ça permet de fixer le matériel pour plus qu'il bouge. Fait qu'eux autres, là, quand on lit ça, ceux qui ont déjà fait du textile, on va dire, comprennent la chose. Mais peu importe, ces vêtements devinrent resplendissants d'une telle blancheur que vous n'avez jamais vue. Quand Paul va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, la lumière est tellement intense qu'ils sont tous aveuglés. Tellement aveuglés que Paul ne verra pas pendant 3 jours. Luc 9 nous dit la même histoire. Pendant qu'il priait, fait que là, Jésus est sur la montagne avec ses disciples, mais il est là, il prie pendant qu'il priait. Qu'est-ce qu'il fait Moïse quand il monte sur la montagne? Il se met à genoux devant le Seigneur, devant l'Éternel, puis il fait sa requête. Pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea. Son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Mais il y avait 2 hommes qui s'entretenaient avec Jésus. C'était Moïse et Élie qui apparaissaient où? Dans la gloire. Une lumière brillante. La lumière ici, là, c'est significatif de la présence de Dieu. Ils virent la gloire de Jésus, la lumière intense. Parce que là, on met des mots, hein, la lumière. Moi, je n'ai pas vu la face de Moïse. Je ne sais pas, y a-t-il quelqu'un qui l'a déjà vu, la face de Moïse? Non, est-ce qu'il y a quelqu'un qui était là à la transfiguration pour voir l'intensité de la lumière? Non. Mais fait qu'on nous donne ça comme exemple, mais ce qu'on sait, c'est que dans la présence de Dieu, il y a quelque chose qui se dégage, qui est plus grand que nous. Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle, Dieu le Créateur. En elle était la vie était la lumière des hommes. La vie ici, c'est Christ. En elle était la vie, dans les paroles de Dieu. Fait que quand Dieu parle à Moïse, il lui donne les tables, quand Dieu lui dit quelque chose, la vie est là. La vie était la lumière des hommes. Moïse descend de la montagne, son visage brille. C'est intense, là. Tu sais, c'est un peu, là, si vous, imaginez-vous là, que vous avez fait cuire quelque chose au four à 400 degrés, là, hein? Puis là, vous voulez aller voir qu'est-ce que ça a l'air. Moi, je ne sais pas quoi, là, que vous pourrez faire cuire au four à 400. Mais tu rouvres la porte du four. Il y a une chaleur qui se dégage, hein? OK? Puis ça te laisse un petit effet temporaire. Bon, ben c'est une image qui n'est pas très bonne, là, mais à la même chose, quand Moïse est dans la présence de Dieu, c'est tellement intense que quand il revient, il dégage la chose. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais ça, c'est supposé d'être nous en passant. Hein? La lumière, lui, dans les ténèbres ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Dans Jean 8, Jésus parle à ses disciples et dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » On est censé dégager quelque chose qui est différent des autres. Je suis Jésus, dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Ça, Dieu avertit Moïse, prends garde, fais pas ça, fais pas ça, fais pas ça. Fais ça à la place, fais ce que je te dis, concentre-toi sur ce que je te dis. Jésus dit, si on marche avec lui, on ne sera pas dans les ténèbres. On aura la lumière dans la vie. On va dégager quelque chose qui est contraire aux autres. Tu sais, hier, j'avais une conversation avec quelqu'un qui a dit peut-être que les autres me trouvent bizarre, les autres me voient comme ci, comme ça. Ben, gloire à Dieu qu'ils ne te voient pas comme ils sont, eux, qu'ils te voient différent. 1 Jean 5. Jean qui nous écrit ça vers la fin de sa vie. La nouvelle que nous avons apprise de lui, Jésus, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière, qui n'a point en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si vous mentez, vous ne pratiquez pas la vérité, la lumière ne brille pas dans votre visage. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion. Moïse était mutuellement en communion avec son ami Dieu sur la montagne. Éphésiens 5, le verset que j'avais lu au début. Autrefois, vous étiez ténèbres. Quiconque ici, qui est né de nouveau, qui a mis sa confiance en Christ, autrefois, vous étiez ténèbres. Maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Quand Moïse descend, là, la première fois qu'il est monté sur la montagne, quand il est descendu, là, il n'était pas content. Il n'a pas embarqué dans le party qu'il y avait en bas. Là, tout le peuple est de bonne humeur et se réjouit. Ce n'est pas demandé moi, que je vais faire. Il faudrait peut-être que je m'assoie et j'essaie de les convaincre. Non, il est fâché. Il casse les tables. Il est tellement fâché, il casse les tables. Des fois, là, il me semble que c'est comme ça qu'on devrait réagir. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le fruit de la lumière. Examinez ce qui est agréable au Seigneur dans vos vies. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres. Hey, le monde dans lequel on vit, là, tout le tour, on est sollicité tous les bords, tous les côtés. D'aller faire toutes sortes d'affaires, les plaisirs de la vie. Voyons donc, fais-le, là. C'est quoi ton problème? Là? Tout le monde le fait, vas-y, garde, touche à ça, c'est bon. Tu vois, c'est une belle expérience en passant, là. T'sais, tire une puff, prends un verre, n'importe quoi, là. Viens ici, on va expérimenter des choses ensemble. Tu vois, c'est plaisant. Ben oui, ça nous amène où? Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est pas d'être neutre, là. Mais ça ne veut pas dire de juger le monde. Ça veut juste dire, ça, c'est pas bien, je le fais pas. Ça, c'est bien, je vais aller dans cette direction. Pourquoi tu vas là-bas, toi? Personne ne va dans ton enfant. Oui, mais c'est là que je dois être. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière. Fait que quand toi, tu te présentes à quelque part, tu dis, non, tu sais, les gens ils vont faire une blague, là. Une blague sarcastique, une blague qui dénigre quelqu'un. Dans le temps des élections, on a bien des blagues qui ne sont pas très édifiantes, hein? Mais il y en a d'autres occasions. Là. Ben, si tu ris la blague, qu'est-ce que tu dis? Si vous riez la blague, qu'est-ce que vous dites? Tu l'approuves. Si tu ne ris pas la blague, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est quoi ton problème? Ça ne va pas bien aujourd'hui? Pas de bonne humeur? Fâché? Puis surtout, s'il y a plusieurs blagues où tu n'en ris aucune, ou on parle en mal de quelqu'un, puis tu sais, tu aurais envie d'être d'accord avec ce qu'ils disent de l'autre personne, mais c'est à ça qu'on est appelé? Non. Fait que tu n'embarques pas là-dedans. Puis si ça te tente, tu peux même aller, intercéder pour quelqu'un, c'est vous ça veut dire? Intercéder pour ton ennemi. On est appelé à intercéder pour nos ennemis. Ça veut dire quoi? Oh! Ouais, mais attends, là, je parle à Dieu de mon ennemi. Hey, lui, maintenant, tu peux-tu le frapper? Parce que, tu sais, dans certains psaumes, David commence comme ça, il commence par dire « frappe-les, tue-le, débarrasse-les », puis après ça, il finit par dire d'autres choses. Okay? Le premier sentiment, c'est ça. Mais à quoi on est appelé intercéder? Si je deviens l'avocat de mon ennemi, qu'est-ce que je fais? Il faut que je trouve des qualités. Il faut que je trouve des bonnes choses. Il faut que je regarde le côté bon, positif. Bon, des fois, il faut creuser, là, mais quand même. Ça veut dire qu'il faut que je change mon cœur envers mon ennemi pour voir ce que je ne voyais pas avant, pour intercéder en sa faveur. Ça, c'est notre rôle. C'est pour cela qu'il est dit, hein, « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. » Si tu n'es pas en Christ, tu es mort. « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. » Ouais, mais je fais quoi dans telle situation? Demande-lui. Oh, mais qu'est-ce qui arrive? Là, je sais pas, j'ai ça à faire, puis je sais pas si je devrais aller à gauche ou à droite. Demande-lui. Tu parles à quelqu'un qui dit, « Ouais, je comprends ce que tu dis, mais moi, j'ai pas cette foi-là. Là. » Demande-lui. On peut le demander ensemble, là, mais je ne le demanderai pas à ta place. Demande-lui. Mais on intercède. Je vais prier avec toi. Mais c'est toi qui dois parler. Moi, je vais parler à Dieu aussi. Là. Mais moi, je vais prier en ta faveur, mais toi, tu dois le faire. Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Alors, est-ce que les autres voient la lumière de Christ en nous? Nous sommes la lumière du monde. Vous savez ça? OK. Fait qu'est-ce que les autres voient la lumière de Christ en nous? On est appelé à marcher comme des enfants de lumière. Est-ce que quand de l'extérieur on nous regarde, hey, on est quatre jeunes de l'Église à l'école, est-ce qu'on se conforme aux autres jeunes de l'école ou est-ce qu'on est différent? Je suis chrétien, j'ai un milieu de travail, est-ce que je me conforme à mes collègues ou je suis différent? Pas différent en les jugeant, en les condamnant, là, mais différent dans la façon dont je suis, dont j'agis, dont je parle. Est-ce que les autres voient la lumière de Christ en toi? Là, c'est plus personnel. S'ils ne la voient pas, réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. On peut se relever d'entre les morts pendant qu'on respire. Hein? On peut se relever d'entre les morts pendant qu'on respire. Mais quand on va être mort physiquement, là, si on est mort spirituellement, on est mort éternellement. Si on est dans cette chair et qu'on est de nouveau, qu'on se réveille, qu'on se relève, bien, c'est bien, on nous relève, bien, on est vivant spirituellement, puis même si je meurs physiquement, je vis éternellement. Ça fait que j'ai un choix à faire. Mais il y a un voile qui empêche de voir. Là, c'est un petit peu compliqué, ces versets-là, là. Mais c'est pas moi qui les ai écrits, hein, fait que... 2 Corinthiens, chapitre 3, dit, « Or, si le ministère de la mort, parce que la loi de l'Ancien Testament fait que confirmer qu'on est incapable de plaire à Dieu, OK? Or, si le ministère de Moïse, hein, puis de tout le sacerdoce qu'ils vont faire jusqu'à Christ, là, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux, c'était glorieux, là, Moïse, sa face, brillait. Au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer le regard sur le visage de Moïse à cause de la gloire de son visage, bien que cette gloire fût passagère, ben oui, c'est fini, Moïse est mort, puis il n'y a plus personne d'autre à qui c'est arrivé avant Jésus. Combien le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux quand Christ va être transfiguré, hein, on le voit dans sa gloire. Quand Paul va rencontrer Jésus sur le chemin de Damas, il le voit dans sa gloire. Mais cette gloire-là, là, est censée paraître en nous, dans la façon dont on est. Cette gloire-là est censée paraître. Si le ministère de la condamnation était glorieux, c'est-à-dire la loi, le ministère de la justice, c'est-à-dire Jésus qui paye le prix pour nos fautes à la croix, est de beaucoup supérieur en gloire. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux dans l'Ancien Testament ne l'a point été à cause de cette gloire qui est à cause de... C'était pas si glorieux que ça. Bien que c'était glorieux pour le peuple d'Israël dans le désert quand il voyait Moïse, là, c'est rien, cette gloire-là, comparativement à la gloire de Christ. Puis savez-vous quoi? À la gloire qui nous attend dans la vie éternelle. Et sous ce rapport, ce qui a été glorieux ne l'a point été à cause de cette gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été glorieux, ce qui est permanent est bien plus glorieux. Où est-ce qu'elle est, votre espérance? Ça devrait paraître. Ayant donc cette espérance, nous usons d'une grande liberté et nous ne faisons pas comme Moïse qui mettait un voile sur son visage pour que les fils d'Israël ne fixassent pas les regards sur la fin de ce qui était passager. Il ne voulait pas que les gens s'attardent à ça. Il voulait qu'ils écoutent la parole puis qu'ils la mettent en pratique. Mais étant humain, quand Jésus va faire des miracles, il va dire aux disciples, « Vous ne me suivez pas pour qui je suis, vous me suivez à cause des miracles que je fais. » C'est la même affaire, hein? Vous avez les yeux sur ce que vous voyez, vous n'avez pas les yeux sur ce que vous ne voyez pas. Mais ils sont devenus durs d'entendement, car ce que jusqu'à ce jour, le même voile demeure quand ils font la lecture de l'Ancien Testament et le voile ne se lève pas, parce que c'est en Christ que le voile disparaît. Mais eux, ils ne le voient pas. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Parce qu'ils ont la loi, là. Ils ont l'Ancien Testament, mais ils ne le comprennent pas. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, Nouveau Testament, puis qu'on met notre confiance en Jésus, le voile est ôté, et enlevé. Et là, on peut voir, on peut comprendre, on peut discerner, on peut appliquer. Mais en fait, si on reçoit Christ, l'Esprit de Dieu qui est en moi, là, c'est lui qui fait le travail. C'est pas moi qui le fais, c'est lui qui le fait. Mais d'autres devraient être capables de l'observer. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, le visage découvert, ça veut dire qu'on n'a pas de voile, on n'est plus sous la condamnation, nous, là, on est libres. Ce matin, on lisait un verset de l'autre côté, là. Tout nous est permis, mais tout n'est pas bon. Hein? Okay? Tout m'est permis, mais je ne ferai pas tout. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, parce que je la vois au travers de vous. Nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur, l'Esprit. Fait que dans ma croissance, dans ta croissance, on devrait voir Christ à l'œuvre. Il n'y a pas de lumière qui brille sur vos visages, là. J'en vois pas, là, sauf le reflet. Ceux qui n'ont pas de cheveux, je vois le reflet de la lumière du plafond, là. Mais ce que vous dégagez en passant du temps ensemble, en se frottant les uns les autres, hein, en voyant ce que Dieu est en train de faire dans nos vies, la gloire de Christ se dégage, on la voit. Puis on le voit aussi quand il n'y en a pas de fruits, mais on le voit quand il y a des fruits. Puis ça, ce n'est pas mesurable autrement que par la foi. Fait que ici, vous vous rappelez, là, dans le tabernacle, là, dans le désert, fait que ça, c'est le sanctuaire. Il y a un premier rideau qui nous permet d'aller dans le lieu saint. Seulement les sacrificateurs peuvent aller dans le lieu saint. Et une fois par année, seulement le souverain sacrificateur peut aller dans le lieu très saint. Mais quand il ressort, là, qu'il traverse le rideau, là, qu'il revient, là, la première pensée qui n'est pas bonne, il est pécheur à nouveau. Puis quand il va sortir ici, il va y arriver des événements, puis il va falloir qu'on refasse des sacrifices, puis qu'on retourne là. Okay? Fait que ce qui se passe ici, c'est temporaire. Mais ce qui est intéressant, quand Christ meurt à la croix, qu'est-ce qui arrive? Le voile est déchiré pour ceux qui veulent croire. Du haut vers le bas, c'est la main de Dieu, le doigt de Dieu qui défait le rideau. OK? C'est 15 mètres par 15 mètres, si je ne me trompe pas, là, le rideau. Fait que c'est large, c'est haut. Du haut en bas, il est déchiré par aucune intervention humaine. Puis ça rouvre la voie directement à Dieu. Et il n'y a plus de sacrifice qui est requis parce que Christ a payé le prix. Il est mort à la croix, une fois pour toutes. Plus de sacrifice, plus rien. Il a payé le prix. Tout ce que Dieu demande, c'est qu'on mette notre confiance en Christ. Puis le reste est effacé. Puis on a accès à lui librement, n'importe quand. Donc, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Si vous n'êtes pas en Christ, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Ne soyez pas gênés de qui vous êtes. N'ayez pas peur d'affirmer, pas de juger, pas de condamner, pas de pointer du doigt, mais d'affirmer votre foi en Christ. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes. La parole de Dieu nous dit que votre lumière luise ainsi devant les hommes, c'est parce qu'en théorie, elle devrait être visible. Afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Comment la lumière brille? Par la façon dont on parle, la façon dont on agit, la façon dont on est, surtout ensemble. Tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Quel amour? Le même amour que Christ a eu pour nous. Que Dieu vous bénisse.